Top Chrono Handball. Allez, on est avec Karl Vinsono. On parle bien sûr de Mazan, la Nationale 3, et ce match contre Salagou, très important, samedi soir. Le coup d'envoi, Karl, samedi soir. 21h, c'est que très très bien, très bon horaire pour nous. Parce que ce week-end, le club organise un tournoi de hand-fauteuil. À partir de quel heure week-end. Donc, on a repoussé l'heure du match, parce qu'il y a un joueur excellent qui joue aussi avant. Donc, voilà. Tout le monde puisse se régaler au club, on a repoussé l'heure du match, ça va plus bien. Ouais, le hand-fauteuil tient parce que notre ami Bruce Caudron devrait participer et on devrait l'avoir en direct avec nous puisqu'on va essayer d'être aux alentours de 19h avec vous. Pour le hand-fauteuil, c'est sûr, c'est samedi soir. Ouais, bah, samedi toute la journée, le samedi peut-être à partir de midi et dimanche, tout le week-end, il me semble que le tournoi dure deux jours. D'accord. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est en place et ils le refont cette année, donc voilà, ça tourne bien. Bon. C'est un petit tournoi retenu. Parfait, alors ça fait que du coup on a du hand-fauteuil juste avant le coup d'envoi de la Nationale 3 féminine. Alors je crois qu'il y a les moins de 18 en Védrino quand même en France. D'accord. Sûrement à 19h sans doute. Je n'ai pas les horaires en tête, excuse-moi. Je suis plutôt focalisé sur les biens. Oui, je comprends. Donc je crois qu'il y a quand même les 18 qui jouent samedi soir. Vous avez de la chance quand même par rapport au sport, on va dire, qui joue sur des pelouses, où on sait que le terrain, vous pouvez jouer à vélo, vous risquez rien, vous. Non, ça va, ouais. Il peut même pleuvoir, neiger, grêler, on est tranquille. C'est très bien. Écoute, Karl, merci. Que les filles sont motivées. C'est moi qui prends la fille. Voilà. Puis, que les filles sont motivées. Et... Bah, écoute, on va s'y atteler cette semaine. Et puis, je t'avoue qu'il me tarde vite d'être samedi 22h30, 23h. Alors, sache que... Pour savoir où on en sera. Oui, excuse-moi de te couper, c'est très mal pour lui de te couper. Juste une chose, le barrage, parce qu'on met encore un petit peu plus de piment, le barrage pour la Nationale 2, c'est bien le 20 juin. Ah, peut-être. Alors... Tu sais, j'essaie de pas trop me projeter. Je regarderai ça sans doute. Je sais que c'est oui dans ces eaux-là. D'accord. Entre le 17 et le 20. Bien. Mais bon, je me projette pas trop parce que voilà. Bon. Non, c'était comme juste ça, pour savoir pour m'occuper du match. Oui. Si c'est le 20 juin, c'est le 20 juin. Oui. Et on verra. Voilà, parce qu'on sera... On l'occuperait après samedi soir. Voilà, on sera bien sûr au repos, nous, mais nous, on a décidé quand même de venir pour vous encourager jusqu'au bout. Ouais. Super, ça fait plaisir. Voilà, parfait. Merci, bon, Karl. Merci à vous d'avoir appelé. Merci, à bientôt. Voilà, on va fermer la page du handball. Bien sûr, on se retrouvera samedi soir en direct du COSEC de Mazan. Il y aura sûrement Bruce Caudron à nos côtés qui nous parlera bien sûr du hand-fauteuil qui va se dérouler tout au long du dimanche aussi. C'est le tournoi départemental. Marie est arrivée avec nous. On va juste lui demander comment elle va. Marie. Eh bien, ça va bien. Tu vois, fidèle au poste, même un 1er mai, je suis là, à vos côtés. Tu as eu ton petit brin de Miguel? Oui, j'ai eu mon brin de muguet. Voilà, quelqu'un de bien. Allez, on continue. Top chrono, rugby à 13. Allez, on va appeler Jean-Yves au téléphone. Monsieur Jean-Yves pour parler de ce superbe week-end qui va se dérouler au Parc des Sports d'Avignon. C'est bien sûr la Coupe de France, la Coupe Lord Derby. On va voir Jean-Yves, il y a bien sûr plusieurs finales, il a pris tout le programme. Jean-Yves du rugby à 13, on va demander à Monique d'appeler notre ami Jean-Yves qui est en train de nous écouter. Il doit se dire, messieurs, dames, est-ce qu'ils vont vouloir que je passe à l'antenne? Eh bien oui, question par les Henri. J'hésite. Ce soir, on est en décontraction totale parce qu'on est le 1er mai. Eh ben oui, hein. Didier Bougon, les clochettes sont là. Nos problèmes, je suis en relation avec une personne qui revient du championnat de France de marathon. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il était parti du côté de Saint-Pétersbourg. Non, c'est pas le cas, non. Allez, on va voir Jean-Yves dans quelques minutes. On va parler bien sûr du rugby à 13. Est-ce qu'il a des résultats? Est-ce qu'il a le superbe week-end qui nous attend prochain? Salut Jean-Yves. Salut Fred, salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, ça nous fait plaisir de t'avoir au téléphone. Est-ce que tu as suivi un petit peu le début de l'émission? Puisqu'il y a quelques minutes, on était avec Karl Vinsono. Hein, on revient juste un petit peu en arrière avec le handball. Hein. Je crois que ces filles de Mazan font une belle saison, on va dire. Écoute Fred, la saison qu'elle s'était promis de faire, jusque-là, comment te dire, il n'y a pas de surprise avec Carl Vinsonneau qui avait clairement fixé ses objectifs, qui a travaillé en conséquence, et puis finalement, et ben voilà, ils sont là où ils avaient prévu d'être. Ils vont jouer l'accession à l'étage supérieur. Voilà, c'est là où ils avaient prévu d'être. Quand on les avait vus il y a 3 mois maintenant, ils avaient annoncé qu'ils en seraient là. Et ben voilà, pour le moment, la feuille de route est respectée. Espérons qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, qui est bien évidemment la montée en National 2. Samedi soir, non, des fois, hein, le handball, Mazin. Écoute, sur la route, tu sais que, je vais avoir un emploi du temps particulièrement chargé à partir de maintenant, qu'une nouvelle vie professionnelle m'appelle. Je te promets pas d'être là, mais je ferai mon possible pour y être en tout cas. Par contre, tu seras obligé d'y être. Revenons au rugby 13. Parlons de ce superbe week-end qui nous attend. Ah, bien sûr. Voilà. Alors écoute, avant de parler de ce superbe week-end qui nous attend, de parler de l'actualité trésiste en général, puisque ces derniers jours, elle est particulièrement abondante. Il y a d'excellentes choses, il y a des choses qui sont un peu moins belles. Trop tard. Et malheureusement, il faut en parler. Je voulais d'abord parler de la superbe victoire du SOA qui a atomisé les Albigeois lors du Magic Weekend à Carcassonne, c'était samedi après-midi. Ils ont battu les Albigeois sur le score de 64 à 24 et ils sont plus que jamais potentiellement qualifiables pour le top 4 et pour les phases finales. Ça, c'est ce qu'il y avait de sympa à noter. À noter aussi la belle réussite de ce Magic Weekend, puisque on l'avait annoncé, mais les 5 rencontres de la journée de championnat étaient regroupées sur un même lieu sur 2 jours. Il y avait 2 matchs samedi après-midi, il y en avait 3 hier. Ça a été un succès populaire sans précédent, puisque il y a énormément de spectateurs qui ont assisté à ce Magic Weekend. Et vraiment, c'était une superbe fête pour le rugby à 13. À noter aussi que pour la première fois, on utilisait l'arbitrage en double en élite au rugby à 13. Ça se fait déjà pas mal en Australie, Fred, l'arbitrage en double, c'est-à-dire que 2 arbitres sur le terrain, ça permet à ces arbitres d'être un petit peu plus concentrés, un petit peu à l'image de ce qui se fait au hand et au basket. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes prérogatives, mais en tout cas, ça leur permet de couvrir plus de terrain, de rester plus lucide, et forcément, pour en avoir discuté avec l'un de ces 2 arbitres, ça leur permet vraiment une meilleure fluidité, une meilleure souplesse, et puis, ça leur permet surtout ce qu'on attend d'eux en priorité, c'est des décisions qui sont plus justes et qui ne souffrent presque plus d'aucune contestation. Bon, mais ben ça c'est parfait. C'est déjà une bonne chose. Alors ouais, il y aura ça sera expérimenté, enfin, ça sera maintenant mis en place dès dimanche prochain pour la finale de la Coupe de France, dont on va reparler dans 2 petites secondes. À noter le point noir de la semaine qui vient de s'écouler, Fred, et vraiment, ça me tient à cœur d'en parler, c'est une agression sur Benjamin Casti, un arbitre d'élite. Benjamin Casti, qui est le frère de Rémi Casti, le capitaine des Dragons catalans. Benjamin Casti arbitrait la semaine dernière la demi-finale junior entre Saint-Estève et Toulouse, après une décision fort justifiée, puisqu'on a vu la vidéo. Benjamin Casti a pris une poire, Fred, d'un autre monde. Une agression venant d'un gamin de 18 ans, 19 ans, match arrêté, bien sûr. Et Benjamin Casti a passé la soirée à l'hôpital après cette poire. On a vu la vidéo tourner sur les réseaux sociaux en boucle. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule du jour. Encore une fois, l'image du 13 est encore éternie par un imbécile, par un abruti, et surtout par les personnes qui mettent ça en ligne. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Alors l'image est ternie, et je suis entièrement d'accord avec toi, Fred. Les gens qui diffusent ces vidéos en ligne, et maintenant avec YouTube, Facebook et les autres réseaux sociaux, on peut voir ces images dans le monde entier, Fred. Cette poire-là a été vue des milliers de fois, voire des millions, à tel point que Benjamin Casti a reçu un message de plusieurs arbitres de NRL, du championnat australien, qui venaient un petit peu aux nouvelles pour s'assurer qu'il allait bien et surtout pour lui assurer de son soutien.